Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD passe à l'heure d'été. En canoë, en pédalo ou seul au boulot, en randonnée, dans une chaise longue à la pêche à pied, en escalade, pour la plage, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, 53 minutes de rediffusion choisies dans la série documentaire. Cette semaine, l'armée française, des rues de Paris au désert du Sahara. Une série de Raphaël Kraft réalisée par Guillaume Baldi. Au départ de cette série, il y a un documentariste ancien engagé et l'envie de dire que la raison d'être du soldat, c'est la guerre, la défense du territoire, la violence et donner la mort ou être tué. Il y a aussi le souci de redorer les blasons et de comprendre ce qui pousse à s'engager. Patriotisme, désir d'aventure, envie de prendre sa mesure, mais toujours le poids du réel une fois sur le terrain. Et puis il y a ces jeunes hommes et femmes qui se rêvent héros et sont transformés par sentinelles en simples plantons. Alors pour commencer, les personnages. Un chercheur qui appuie là où ça fait mal, un colonel à qui on ne la fait pas, un blogueur qui proteste, une historienne qui raccorde les récits, des militaires qui s'ennuient et une mère déçue. Ensuite, le décor. L'état d'urgence, les rues de Paris après les attentats de janvier et de novembre 2015, des hommes armés en faction, d'autres qui déambulent, une opération militaire qui ressemble à une opération de communication, des décisions symboliques, des effets de manche et l'espoir vain de rassurer les foules. Aujourd'hui, quatrième épisode, dans la rue désormais, on croise des soldats armés jusqu'aux dents. Extrême gauche, palestinien, Corse, Kanak. Les terroristes de tout poil ne cessent de défier le gouvernement. Un mois plus tard, Jacques Chirac triomphe aux élections législatives. C'est la cohabitation. Le nouveau Premier ministre promet de rétablir la sécurité et pour cette mission, il a prévu un tandem de choc. Robert Pandreau, dit Bob, ancien patron de la police, est nommé ministre à la sécurité. Charles Pasqua devient ministre de l'Intérieur avec un discours très ferme, terroriser les terroristes. Nous ne devions négliger aucune piste. On n'avait pas de préférence. Voilà. Il fallait d'abord qu'on démontre aux Français qu'on agissait. On était décidé à utiliser tous les moyens possibles pour identifier et mettre en état de nuire ceux qui étaient susceptibles de se livrer à des attentats sur notre sol. On était engagé dans une lutte, dans une véritable guerre, et que de notre part, il n'y aurait aucun accommodement avec qui que ce soit. Michel Goya, en 1986, vous êtes envoyé à la frontière luxembourgeoise pour aider douaniers, gendarmes et policiers à protéger la France d'incursions terroristes. Vous pouvez me rappeler le contexte et me dire dans quelles conditions vous êtes parti? Oui, alors, en 1986, la région parisienne a été le théâtre d'attentats dont on savait pertinemment qu'ils étaient d'origine iranienne via un certain nombre de groupes libanais tout de suite après la révolution islamique. Effectivement, la première réaction du gouvernement de l'époque, du Premier ministre Chirac, a été d'envoyer les forces armées aux frontières. Bon. Donc c'était la première fois que les forces armées intervenaient sur le sol métropolitain. On s'est retrouvé, moi j'étais jeune sergent, je me suis retrouvé patrouiller avec des policiers de la police de l'air des frontières, des douaniers, effectivement près de la frontière luxembourgeoise. Tout le monde sentait et savait que ça n'avait absolument aucune utilité, qu'il n'y avait surtout aucun lien entre les effets et les causes, mais très clairement nous étions dans une situation, dans une posture, c'est-à-dire qu'il fallait montrer que le gouvernement faisait quelque chose. Comme en France, il est très facile en réalité d'utiliser l'armée. Ça, c'est une particularité française hein, par rapport à la plupart, même la quasi-totalité des autres démocraties. Le président de la République en France peut engager l'armée quand il veut. Bon, parfois, il en use et il en abuse. Et donc, engager des militaires, c'est spectaculaire, ça se voit, ça fait un peu homme d'État, c'est un acte d'homme d'État. Alors, effectivement, cette mission qui s'appelait la mission garde aux frontières a été terminée au bout d'un an, avec succès, puisqu'il n'y a eu aucun attentat, et notamment d'attentats luxembourgeois durant la même période. L'armée était utilisée comme un outil de communication afin de, au mieux, de rassurer, voilà, au pire, de gesticuler. Laissez-vous, les gars ! Ça fait quoi, on va où ? Allez, allez ! On y va, on y va. Opération Sentinelle, Raphaël Kraft, Guillaume Bell. Il y a deux blessés graves à terre. Envoie-moi un véhicule. Tu veux quoi ? Ok, très bien. Deux ambulances, s'il vous plaît, deux ambulances. Suite aux attentats des 7 et 8 janvier, la France mobilise un nombre record de soldats en appui aux forces de police et de gendarmerie pour protéger les points sensibles du territoire. En quelques jours, les armées multiplient par 10 l'effectif militaire déployé en France. Les équipes du Journal de la Défense ont pu suivre les différentes étapes de cette mobilisation sans précédent en Île-de-France, au plus près du terrain. Cette fusillade d'une violence extrême a tué 12 personnes et en a blessé plusieurs. 7 janvier 2015, après la fusillade dans les locaux de Charlie Hebdo, les assaillants sont en fuite. Le président de la République annonce le renfort immédiat des effectifs militaires. Nous devons aussi protéger tous les lieux publics. Et le gouvernement a mis en place ce qu'on appelle le plan Vigipirate Attentat. C'est-à-dire que des forces de sécurité vont être déployées partout, là où il peut y avoir le début d'une menace. Suite à cette annonce, des unités venues des quatre coins de France se mobilisent. Le 12 janvier, 5 jours après les attentats, le ministre de la Défense fait une annonce choc. Nous avons décidé avec le chef d'état-major des armées de mobiliser 10 000 hommes qui seront en situation de protection des points sensibles sur l'ensemble du territoire dès demain soir. C'est la première fois qu'un mobilisation de cette ampleur mobilisant nos forces a lieu sur notre territoire. Ce déploiement inédit est une véritable opération intérieure qui rassemble autant d'hommes que l'ensemble des opérations extérieures françaises. Le défi à relever est hors norme. Élite Baume, chercheur au Centre des études de sécurité de l'IFRI. Vous avez publié un rapport qui s'appelle « La sentinelle égarée, l'armée de terre face au terrorisme ». Pourquoi égarée ? Eh bien, parce que la Sentinelle, ça se réfère évidemment à l'opération Sentinelle qui a été déclenchée au lendemain des attentats de janvier 2015. Et une opération qui est la plus importante opération sur le territoire national de l'armée de terre française depuis la fin de la guerre froide et en fait depuis la fin de la guerre d'Algérie. Or, cette opération a pour caractéristique ou aspect particulier qu'elle n'a pas de fin en vue et dont les objectifs tactiques et même stratégiques semblent indistincts. Et donc, en stratégie, il semble que si vous n'avez pas d'objectif précis, vous avez tendance à vous égarer. Une opération lancée au lendemain des attentats de janvier. Qu'est-ce qui motive le pouvoir politique de vouloir mettre en œuvre cette opération dite Sentinelle ? Alors, au matin du 13 janvier, vous avez une demande d'action forte de la part du gouvernement face à des attentats qui choquent la communauté nationale et internationale. Face à ça, vous avez le plan Vigipirate, qui est un plan interministériel, qui a des mesures qui sont d'ores et déjà prévues, notamment de renforcer la sécurité en face d'un certain nombre de lieux publics et de lieux de culte. En l'occurrence, on pense au lieu de la communauté juive, qui a été directement frappée dans le cadre de l'attentat de l'hypercachère, et notamment aux rédactions et salles de presse liées à des organes, disons, de la presse nationale, puisqu'on pense évidemment à Charlie Hebdo. Face à ces mesures qu'on propose, il apparaît assez rapidement qu'il faudrait établir un dispositif de 9 à 10 000 hommes si on voulait sécuriser de façon assez spécifique et statique la liste des lieux de culte et d'organes de presse qui ont été définis par le gouvernement. Or, on se tourne à ce moment-là face au ministère de l'Intérieur, dont les forces de police et de gendarmerie ont la tâche d'assurer cette sécurité, et le ministère de l'Intérieur n'a plus de réserve. Normalement, les compagnies républicaines de sécurité et la gendarmerie mobile sont censées fournir la réserve des forces de sécurité intérieure. Elles sont en fait suremployées sur tout un tas d'opérations permanentes sur le territoire. On se tourne donc vers la réserve, qui sont les forces armées, et il existe dans le contrat opérationnel des forces armées un dispositif qui prévoit l'utilisation justement de 10 000 hommes sur le territoire national dans cas d'un événement majeur. Ce contrat opérationnel est stipulé dans le livre blanc, signé en 2013 par le président de la République et qui définit les cadres d'emploi des forces armées. Et donc ces 10 000 hommes sont disponibles, ou en tout cas les armées ont la capacité de les mettre en œuvre sous 72 heures, et c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire que on ne va pas faire appel aux armées, ni spécifiquement aux forces terrestres, pour leur compétences intrinsèques de capacité de mise en œuvre d'une violence militaire, puisque c'est la spécificité des forces armées, mais dans leurs compétences de réserve d'un nombre d'hommes, de forces de sécurité et de défense au sens général du terme, qui vont venir donc opérer une sécurisation de l'espace public devant un certain nombre de lieux et de sites définis. Ok, en avant, rapidement, on fait des bons 50 mètres, allez. À 22, visuel sur Pax Armée, je neutralise, feu. L'infanterie est la reine des batailles, du combat débarqué, donc combat à pied avec ses hommes. Donc il nous faut des gens charismatiques, qui sachent commander dans les situations difficiles. Je veux voir de l'ardeur, de l'enthousiasme et du discernement, c'est-à-dire que face à une situation donnée, le chef il est là pour réfléchir et donner le bon ordre. Nous avons une exigence de livrer dans 6 mois des chefs de section aptes au combat, aptes d'emblée. Donc ici à Djibouti, ils sont vraiment dans le cœur de leur métier, c'est opérationnel. Et ici, on retrouve tous les moyens, interarmées, interarmes, qui fait que ce stage est uniquement apprécié par les lieutenants et très efficace. Donc, je suis sergent Colin d'un régiment de l'Est de la France. Le premier contact avec l'opération Sentinelle, en fait, ça a été une annulation de projection à Djibouti. En fait, à 13h de prendre l'avion, on a purement et simplement appris qu'on ne partait plus à Djibouti en MCD et qu'on était en mission de courte durée sur Djibouti et qu'on partait sur très court préavis d'ici 1 à 2 semaines sur le deuxième mandat Sentinelle en métropole. Et ça fait quoi quand on apprend ça ? C'est compliqué. C'est compliqué parce que la famille se prépare pendant plusieurs semaines, plusieurs mois à être séparée, qu'on profite de sa dernière soirée. Voilà, donc c'est un peu particulier. Et puis là, on apprend que finalement, on part plus, qu'on reste en métropole, qu'on sera là sans être là, et que qu'on n'a pas beaucoup de détails sur la mission, sur ce qu'on va y faire et sur les risques, parce qu'on sortait des attentats de janvier 2015. Au début, c'est plus ou moins l'inconnu. On sait juste qu'on va sécuriser des sites. Les conditions, c'est très très difficile. On arrive sur des quartiers militaires, dans des chambres collectives. Les sections sont logées collectivement en chambre, c'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve à 20 par chambre. Voilà, les ordres tardent à venir. Je vous dis, on sait qu'on va sécuriser des sites, on ne sait pas encore dans quelle ville exactement, et les conditions précaires n'aident pas à la chose. Moi, j'ai vu des commandants d'unité devoir démarcher des maires et devoir démarcher des brigades de sapeurs-pompiers de Paris pour avoir des hébergements décents, pour avoir des douches, pour avoir de la nourriture, pour voilà, parce que l'armée était pas en mesure de, avait pas prévu, avait pas planifié ce soutien là. Nous on arrive le 12 à Adjudant Francis. Satory, on est mis à Satory avec du coup on se retrouve à quasiment plus de 10 000 sur Paris en urgence, donc il y a pas assez de place pour tout le monde, il y a pas assez de, donc c'est un petit peu le bordel hein, si je peux employer l'expression. Donc en gros on nous désigne des zones et puis on nous dit démerdez-vous dans votre zone, trouvez de quoi, des endroits où dormir, des endroits où manger, etc. Après ça fait partie, c'est comme en OPEX hein, finalement, c'est pour ça que je disais ça, c'est exactement quand on arrive sur une zone et qu'il n'y a rien, bah on peut pas loger, donc on doit se débrouiller pour trouver des endroits, donc ça. Mais c'est vrai que ça s'est fait dans l'urgence, ça a été donc ça on peut pas, voilà, nous après on se débrouille sur le terrain, il y a pas de souci. D'abord, je demandais comment ça se passe, une patrouille sentinelle, de vous lever le matin, comment ça se passe? Est-ce que tu peux me faire le déroulé d'une patrouille? Ben, c'est en fonction de la zone qu'on a, en fonction de la mission qu'on a. On a par exemple une zone de patrouille avec différents lieux où il faut passer tant de fois par jour ou tant de fois par semaine, hein, ça dépend du site. Le chef de patrouille reçoit ses ordres du chef de peloton, qui lui dit tu as tant de lieux à faire aujourd'hui, il faut aller à tel endroit, tu gères ton temps, tu gères ton déroulé de patrouille, donc il passe, il s'arrête de temps en temps, c'est jamais la même chose pour éviter la routine et puis pour éviter éventuellement des gens qui pourraient surveiller et se dire ben voilà, ils viennent toujours à telle heure, ils s'arrêtent toujours à tel endroit, donc on fait vraiment, il n'y a rien de routinier. Et puis voilà, à la fin de la journée, le chef de patrouille regarde s'il a bien fait la totalité des sites qui lui étaient demandés. Et puis voilà. Et ça dure combien de temps? Généralement une journée entière, de 6h30 à peu près jusqu'à 22h30. Et ben alors, il se relaie, hein, c'est pas toujours les mêmes qui. Voilà, c'est le boulot du chef de peloton, du coup, de faire tourner les patrouilles, de faire tourner les groupes. Dire voilà, un tel tu vas de telle heure à telle heure, toi tu vas de telle heure à telle heure, après il y a un peu de repos, etc. Mais sinon c'est non-stop, il faut qu'on soit présent sur le terrain de 6h30 à 22h30. L'emploi des forces armées sur le territoire national en France et en dehors du cas de l'état de siège, qui est un cas particulier, se fait sous le régime dit de la réquisition. L'autorité civile requiert les forces de troisième catégorie que sont les forces armées et définissent leur cadre d'emploi. Cette réquisition, concrètement, elle est rédigée par un préfet de zone de défense et de sécurité qui la transmet à un général qui est à la tête d'une région militaire, d'un état-major de zone de défense, qui va ensuite mettre en œuvre les moyens qui lui ont été demandés, enfin en l'occurrence requis, par la chaîne civile, le ministère de l'Intérieur. C'est donc le préfet qui définit véritablement le cadre d'emploi, la manière dont ces troupes vont être employées. Or, le problème qui se pose rapidement, c'est que le ministère de l'Intérieur et les préfets pensent en termes de moyens et non d'objectifs. C'est-à-dire que on va fixer aux militaires une cible mettez 3 hommes devant telle synagogue de telle heure à telle heure. Ce mode de réflexion, c'est cet objectif qu'on leur fixe, ce n'est pas un objectif en fait, c'est un moyen. Mettre 3 hommes en faction pendant une tranche horaire, c'est un moyen. L'objectif final est caché, ou en tout cas non explicité aux forces armées. Ce qui fait que l'état-major, le mode de réflexion, et qu'on se situe au niveau le plus général ou au niveau le plus précis, il n'y a pas de marge de manœuvre, il n'y a pas de liberté possible pour le militaire de développer sa réflexion tactique ou sa réflexion, sa stratégique face à un adversaire. Il n'y a pas de manœuvre possible. Précisément, les militaires, et les officiers en particulier, ont été formés depuis le début de leur enseignement supérieur à raisonner en termes de manœuvre. En ce qui concerne le matériel, c'est la question s'est posée de savoir s'il fallait armer ou non les militaires avec des armes non létales, par exemple, ou à létalité réduite. La question s'est également posée de savoir si, au contraire, il fallait les laisser employer du matériel utilisé pour les opérations extérieures, des blindés, voire voilà certains types de matériel qu'on a l'habitude de voir sur des théâtres de guerre. Donc bon, les choses ont été rapidement tranchées. D'une part, le ministère de la Défense et les états-majors ont refusé de dégrader leur matériel, c'est-à-dire de passer sur des formats d'armes non létales qu'on peut retrouver dans les forces de police, parce que il semblait important pour conserver la posture de dissuasion de l'armée de terre que les militaires restent armés de la force létale. En revanche, il a été décidé également de limiter au maximum le matériel, disons, de type opérationnel de haute intensité, hein, qui n'avait pas vocation à être employé sur le territoire national. Alors l'opération Sentinelle est organisée avec une double colonne. Les militaires obéissent aux militaires selon leur chaîne opérationnelle, mais par contre sont mis pour emploi au ministère de l'Intérieur afin de répondre aux réquisitions préfectorales. Florent de Saint-Victor. Sur le terrain, il y a une entente bon an mal an entre hommes qui se fait, faite de rencontres au quotidien dans les commissariats, dans les gendarmeries, qui permet de dans les faits que ça se passe pas trop mal. Après, sur le plan matériel, par exemple, il y a eu pendant longtemps des complications, comme ces deux réseaux radio, donc les uns n'arrivent pas à parler des autres, donc il faut utiliser son téléphone portable, ce qui a son avantage de la facilité, mais ses inconvénients en termes de sécurité ou même de couverture radio. Et donc petit à petit, ces points de grippage sont gommés. Le grand problème a été pendant longtemps la question du mode d'action, où les ministères de l'Intérieur privilégiaient des modes d'action statiques, donc mettre des militaires en gardien devant des lieux sensibles, quand les militaires, de par leur culture opérationnelle, savaient que plus on bouge, plus on est imprévisible, donc plus on est efficace, et donc réclamer à corps et à cri ce changement de mode d'action. Il a fallu beaucoup d'efforts de pédagogie et sans doute un peu d'efforts de taper du poing sur les tables pour que finalement, au bout d'un an et demi, donc à l'été 2016, ces changements soient vraiment effectifs. Alors même que ces changements étaient demandés par les militaires dès le début, dès février 2015, on a les premiers échos publics et non publics de militaires qui demandent de pas servir de cible en étant en poste fixe devant des zones, des points sensibles, mais de pouvoir bien bouger pour être plus imprévisible et plus efficace. Les préfets, le ministère de l'Intérieur a lâché sur cette question, a compris les avantages de ce mode d'action et donc a autorisé, ou en tout cas laissé faire, pour que les militaires fassent un peu plus à leur sauce sur ces questions. Sous le régime de la réquisition des préfets, les militaires employés sur le territoire national ne disposent pas de force de pouvoir de police. C'est-à-dire qu'il ne s'agit, ils n'ont pas vocation à contribuer au maintien de l'ordre, ni a fortiori à contribuer aux enquêtes, donc pas d'interpellation, même en cas de flagrant délit, pas d'interrogatoire, pas de perquisition, donc on n'est pas du tout dans une logique policière, ni pour le maintien de l'ordre, ni pour la police judiciaire ou les enquêtes. Donc le rôle des forces armées sur le territoire national, à ce stade-là, est strictement défensif et uniquement limité à la protection d'un nombre de sites définis, et protection en cas d'une attaque ouverte de ces sites. C'est-à-dire, le scénario est celui qu'on a vu à Charlie Hebdo, à l'Hypercacher, et qu'on reverra d'une certaine manière, même si c'est une forme un petit peu différente, au moment des attentats du 13 novembre, c'est-à-dire celui d'un commando plus ou moins bien armé qui cherche à pénétrer dans un lieu pour y commettre des meurtres de masse. Face à ça, on poste de façon extrêmement concrète des militaires devant une porte afin qu'ils y fassent barrage. Alors justement, vous évoquez les attentats du 13 novembre. Nous avons rencontré au Mali plusieurs soldats qui étaient présents à côté du Bataclan et qui nous racontaient qu'ils étaient dans une incapacité totale d'initiative, d'une part, et qu'ils ont très vite été relégués au simple rôle d'aide-soignant ou d'auxiliaire sanitaire. Les forces militaires de l'opération Sentinelle n'ont pas vocation à intervenir, ce ne sont pas des forces d'intervention. Elles ne sont pas présentes dans le schéma d'intervention du ministère de l'Intérieur. Et une fois que les forces de police et de sécurité sont confrontées aux attaques, c'est les forces d'intervention de première et deuxième catégorie, que sont la BAC, puis le RAID, le GIGN et la BRI, qu'on appelle. C'est pas du tout les militaires. Ce qu'ils vont faire concrètement, ces militaires qui se trouvent interpellés par les concitoyens à l'occasion de ces attentats, c'est établir un périmètre de sécurité. En l'occurrence, vous avez des sauveteurs, des pompiers, qui sont sensibilisés au risque du surattentat et qui, dans un contexte non sécurisé, craignent que soigner des blessés à même la rue dans une zone qui n'a pas été nettoyée puissent eux-mêmes se retrouver les victimes d'un retour de flammes. Le périmètre de sécurité établi par les militaires va donner les conditions justement de sécurité et de confiance aux sauveteurs pour faire leur travail. En ce qui concerne le Bataclan, c'est un petit peu plus compliqué. On a beaucoup glosé sur cet éventuel dialogue qui aurait eu lieu entre un policier de la BAC et un militaire de l'opération Sentinelle, le policier de la BAC l'incitant à intervenir avec lui, à l'épauler au sein même du Bataclan, le militaire répondant qu'il n'aurait pas eu les ordres, et effectivement, il n'a pas eu les ordres. Ce qu'on dit peu, c'est que le policier a fait une demande formelle à sa hiérarchie, à son commissariat ou à la préfecture, pour savoir s'il avait autorisation à faire une demande de concours de ces militaires, et c'est le ministère de l'Intérieur, c'est la chaîne civile, qui lui a dit négatif, vous n'engagez pas les militaires. C'est un peu le premier couac, les attentats du 13 novembre. Oui, c'est-à-dire, en tout cas, c'est, le dit le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Bosser, finalement, la ligne Maginot qui a été contournée. C'est-à-dire que les autorités françaises avaient établi un dispositif défensif, essentiellement statique, et l'adversaire, en l'occurrence les terroristes du 13 novembre, l'ont sagement contourné, habilement contourné, et c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas attaqués à aucun site ayant fait l'objet d'une protection spécifique de la police ou de l'armée, en l'occurrence, et donc sont allés s'attaquer à ce qu'on appelle des cibles molles. Et donc là, il y a vraiment la prise de conscience, même si elle avait commencé plus tôt, que il est impossible de sécuriser toutes les cibles, tout simplement parce que le nombre de cibles dans le terrorisme est infini. À la gare, une autre patrouille est déjà sur place. Eux repartent et se montrent. C'est la consigne. Devant les monuments historiques, les hôpitaux, les lieux de culte. En fin de matinée, nous les suivons au pied de la tour Eiffel. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous les percevez? Moi, personnellement, très bien. Ça me gêne pas du tout. Pas du tout. Non, c'est même rassurant. Après, est-ce que c'est efficace? Je sais pas, mais rassurant, oui. Il y en aurait vraiment trop partout, effectivement. Je pense que nous-mêmes, on se sentirait presque paradoxalement pas forcément rassurés. Enfin, ça sentirait un peu trop l'esprit de guerre, quoi. Là, je pense que bon, ça se fond un peu dans la masse. Dès qu'on les voit, on est un peu rassuré. Voilà, c'est essentiel, quoi. Oui, au début, on fait face à un véritable sentiment de front commun et d'unité nationale qui est incarné de façon typique par les manifestations du 11 janvier, mais pas uniquement au quotidien des actions, on va dire, de fraternité ou de fraternisation vis-à-vis des soldats, des petites attentions, on leur apporte à manger, on a effectivement un sentiment, peut-être pour la première fois depuis longtemps, d'une armée du peuple pour le peuple. Et le premier bénéfice pour l'armée française lors de cette opération Sentinelle, c'est justement de recréer un lien armée-nation, d'améliorer son image aux yeux du citoyen. Oui, disons que c'est véritablement une opportunité à ce moment-là pour les forces armées, notamment pour les forces terrestres, des armées qui ont subi des coupes claires depuis plus d'une décennie à ce moment-là dans leur budget, qui viennent de subir de plein fouet la loi de programmation militaire de 2014 qui prévoit une réduction à nouveau de 34 000 postes dans l'ensemble du ministère de la Défense, et avec une réduction notamment du format des forces terrestres à 66 000 hommes pour les forces opérationnelles terrestres, qui est un plus bas historique. Et donc on est dans ce cadre-là d'armées qui ont été mises à mal par la politique de rigueur budgétaire du gouvernement et qui tout d'un coup retrouvent finalement une forme d'utilité politique au sens noble du terme, c'est-à-dire d'un lien armée-nation, mais aussi dans un sens plus politicien du terme, c'est-à-dire que concrètement ça se traduit par des points de sondage en plus d'opinions favorables pour le gouvernement. Calmez-vous, ça va monter trop. Calmez-vous. Et vous, vous avez rien à faire là. Oui, calmez-vous tous. Non, et vous. Alors vous, alors vous non, non, pas tout tout non, vous pas du tout. C'est pas votre rôle. Oui, moi j'ai pas de temps à perdre. C'est pas votre rôle, monsieur. 9 avril 2016, à Strasbourg, pendant une manifestation contre la loi travail, des militaires de l'opération Sentinelle s'interposent pour protéger des policiers pris à partie par la foule. C'est pas votre rôle. Mais vous avez rien à faire là. Mais c'est pas votre rôle. Eh mais ils sont fous, c'est pas leur rôle. Vous faites quoi? Oh hey. Mais c'est pas leur rôle, putain. Bénédicte Chéron, vous êtes historienne, spécialiste des relations armées-société. Ce matin, mercredi 5 janvier, vous tweetez un article du Parisien, Bondy, des militaires de l'opération Sentinelle interviennent sur une agression. Pourquoi? Bah parce que c'est caractéristique de la confusion des rôles qu'entretient l'opération Sentinelle, qui sur le papier détermine des rôles très précis pour les forces militaires et pour les forces de police et les forces de gendarmerie, et qui dans la pratique est une opération qui entretient une confusion des rôles entre les forces de sécurité intérieure et les militaires. Alors j'imagine que des exemples comme celui survenu ce matin, il y en a pléthore. Pléthore, je ne sais pas. Il y en a quelques-uns de cas où les militaires se sont retrouvés à intervenir dans des situations qui n'ont rien à voir avec leur mission, qui est une mission de prévention des actes terroristes, de lutte contre les actes terroristes. Il y en a eu un certain nombre, et le plus étonnant étant que certaines de ces actions ont même été valorisées dans la communication de défense à un certain moment. Alors moins maintenant, parce que certaines critiques ont été prises en compte, mais valorisées comme des actes de bravoure des militaires français. On ne peut que se réjouir que ce soit de bons citoyens qui prennent la défense de la veuve et de l'orphelin dans les rues des villes où ils sont en patrouille, mais on peut quand même rappeler que ce n'est pas leur fonction première. Il y avait eu deux anecdotes assez marquantes. Il y en a une où des militaires étaient mis à l'honneur parce qu'ils avaient participé à l'arrestation d'un clown pickpocket sous l'Arc de Triomphe à Paris. Et puis, une autre fois, c'est à Lyon, là encore, des militaires qui étaient à Lyon pour l'opération Sentinelle se sont fait voler des vélos qui leur avaient été prêtés par la base dans laquelle ils étaient logés, et qui ont réussi à récupérer les vélos et à faire arrêter le voleur. Voilà, et en tout cas, ce sont des actions qui avaient été mises en valeur. Donc, c'est sûr que c'est assez cocasse. Au-delà de l'anecdote, ce que ça raconte, c'est qu'en fait, on a des militaires qui sont mobilisés dans une opération qui est quand même très particulière, sur laquelle il y a débat, sur l'utilité de laquelle il y a un débat. Les experts en stratégie, en tactique, en lutte contre le terrorisme le disent assez régulièrement. Et en fait, ces militaires, il faut trouver quand même des moyens de les valoriser, parce qu'on valorise de toujours l'action de ceux qui défendent le pays. Et on est bien en peine de trouver des actes à la hauteur de la mission qu'on leur a fixée. Il y a la communication officielle sur l'opération Sentinelle, il y a le récit médiatique qui peut être fait sur l'opération Sentinelle, et puis il y a ce que les Français voient tous les jours de leurs yeux. Et en fait, ça fait très longtemps que l'armée n'a pas été confrontée à cette difficulté-là, d'une éventuelle contradiction entre ce qu'on raconte dans les médias, ce que les journalistes peuvent dire, et puis ce que les Français constatent jour après jour dans les rues de leur ville. La dernière crainte, c'est que c'est quand même un sujet qui, en interne, est discuté, disputé. Il y a des militaires, des officiers qui sont très rétifs au maintien et au développement de cette opération. Et je pense que c'est aussi une difficulté à gérer pour la communication. Est-ce que cette image que les Français peuvent avoir de leur armée n'est-elle pas faussée depuis si longtemps, les soldats de la paix Après la guerre d'Algérie, il y a eu une phase de repli de la communication des armées, de la communication de la défense, à cause du traumatisme de la guerre d'Algérie. D'ailleurs, pendant la guerre d'Algérie elle-même, on a eu une communication sur le rôle des militaires français en Algérie qui était très contrôlée et qui ne mettait pas tant que ça en avant la fonction combattante. C'est-à-dire qu'on a beaucoup communiqué davantage sur les actions de pacification, sur le rôle social des militaires en Algérie, mais les actions combattantes n'étaient pas tant montrées que cela pour des enjeux politiques assez évidents. Parce que c'était pas une guerre. Parce que c'était pas une guerre, c'était des événements, qu'on était dans des départements français, etc. Après la guerre d'Algérie, d'abord, il n'y a pas eu tout de suite des opérations extérieures. La première grosse opération extérieure, c'est le Tchad en 1969. Et puis, il y a eu une certaine pudeur, un certain complexe à montrer que les militaires français se battaient. Et on a beaucoup mis en avant une autre image des militaires qui était celle de super agents humanitaires qui intervenaient en cas de crise humanitaire. Et puis avec les interventions des années 80 et 90 au Liban, dans les Balkans, en ex-Yougoslavie, une image du militaire qui était celui d'un soldat de la paix. Et jamais dans les médias, enfin très rarement dans les médias français, on nous a raconté l'histoire de soldats sous mandat de l'ONU, de soldats français qui se battaient. C'est-à-dire que ce soldat était un soldat de la paix, une espèce de figure sacrificielle sur laquelle on pouvait tirer sans qu'il se défende. Pourtant, il y avait aussi des militaires qui se battaient, et au Liban, et en ex-Yougoslavie, mais c'est des choses qu'on ne racontait pas. Alors, un peu par complexe, peut-être des militaires eux-mêmes, et puis beaucoup parce que les politiques n'étaient pas totalement prêts à assumer ça. Et puis vient la guerre d'Afghanistan. Oui, et l'Afghanistan, ça change. Alors, ça change pas tout de suite parce qu'il faut du temps, parce que d'abord, les habitudes anciennes demeurent longtemps, et puis parce qu'il faut un petit électrochoc quand même, qu'est l'embuscade d'Usbin en août 2008, où 10 soldats français sont tués, pour qu'on se souvienne très brutalement que oui, les militaires français faisaient la guerre et se battaient et pouvaient tuer, et donc pouvaient aussi être tués, parce que c'est leur rôle, c'est leur métier. Ça a joué un rôle d'électrochoc, et on a vu dans les mois qu'on suivit jusqu'à la fin de l'engagement en Afghanistan un retour dans les médias français des images combattantes, vraiment, et d'une communication aussi qui assumait mieux cette fonction combattante des militaires français, parce que le politique était prêt à davantage l'assumer, hein, c'est souvent là que se trouve le ressort d'une communication assumée chez les militaires, et puis parce que aussi c'est dessiné la fin de l'engagement, et qu'à partir du moment où un engagement s'achève, il est plus facile d'accepter de communiquer sur un certain nombre de ces facettes sur lesquelles on était plus discret auparavant. Et Sentinelle dans tout ça ? La difficulté, c'est que donc on a d'un côté dans les opérations extérieures ces images qui reviennent, donc où on voit le militaire dans sa fonction première et ultime qui est de faire la guerre, même si évidemment il peut faire autre chose que la guerre, on est bien d'accord, mais c'est le but ultime. Et en même temps, une opération Sentinelle qui montre aux Français totalement autre chose, dans une contradiction absolue, et puis avec toutes les incohérences de dispositifs qu'il peut y avoir à prétendre utiliser les militaires à un endroit dans leur fonction première qui est de faire la guerre, et puis les utiliser ici comme pour pallier le manque d'effectifs de police, de gendarmerie, de services de sécurité intérieure, etc. Vous avez le sentiment que, qu'il va y avoir une baisse des vocations, une baisse des engagements du fait de l'emploi des soldats sur le territoire national dans une mission qui n'est pas la leur? Je pense que la baisse de vocation, elle était déjà palpable avant Sentinelle. Sergent Colin. Clairement. On pourra le demander à n'importe qui, hein, notamment ceux qui commencent à avoir un peu d'ancienneté. On attirait moins les gens. On avait beaucoup plus de gens qui venaient parce qu'ils avaient vu la lumière, comme on dit. Et a priori, j'ai envie de dire, comme c'est déjà un sentiment que les cadres ont déjà, ceux qui sont en place, que les cadres ou les militaires du rang, ont déjà en étant en place depuis quelques années, force est de constater que quelqu'un qui va arriver dans ce schéma-là, on va avoir du mal à le garder. Quand vous avez des gens qui ont 10 ans de service et qui n'ont pas eu de projection, et qui se posent de grandes questions quant à leur avenir dans l'institution, parce que voilà, parce que dans leur tête, ils avaient une certaine idée de l'armée et de ce qu'ils allaient y faire, on ne peut qu'imaginer qu'un jeune qui s'engage, qui vient pour a priori plus ou moins les mêmes raisons, ou bien du moins avec les mêmes idées de l'armée que quelqu'un qui s'engageait il y a 10 ans, et qui s'aperçoit qu'en fait, il y a un total décalage entre l'idée qui s'en faisait et la réalité, et l'emploi de l'armée, ouais, j'ai envie de dire, c'est inéluctable. C'est inéluctable. On va perdre des vocations et on va perdre des... à défaut de vocation, on va perdre des professionnels et des engagés. Vous dites que vous avez des jeunes qui arrivent au régiment, qui ont une formation qui s'est dégradée ces dernières années, et puis on les met avec une arme de guerre dans la rue, et on essaie de leur apprendre, et ce sont vos mots, rapidement, à gérer des situations qui peuvent être tragiques. Oui. J'ose espérer que, et je continue de croire, et a priori pour l'instant les choses me donnent raison, que la formation sur l'armement reste quand même notre raison d'être et la priorité. Donc, a priori, à part quelques faits là, notamment dans un autre régiment du Nord-Ouest, les épisodes où l'armement est incriminé sont très très rares. Juste, peut-être une chose sur laquelle j'ai un peu plus de réserve, c'est d'être bien sûr de la personne à qui on donne un armement. Il faut s'assurer que la personne à qui on le fait est là pour les bonnes raisons et qu'elle va rester là où elle est. Et ça, j'en suis pas sûr. J'ai des jeunes pour lesquels on a découvert trop tard que bah, finalement, leur entourage proche n'était pas forcément des plus favorables à l'armée, à la France. On a découvert des jeunes qui venaient juste chercher un début de formation à l'armement pour ensuite partir. Voilà, je pense qu'il y a, s'il y a un effort à faire sur ça, c'est en amont. C'est-à-dire que c'est être sûr que les gens qui sont là vont le rester pour les bonnes raisons et avec les bons objectifs, les mêmes objectifs que la troupe. C'est dramatique ce que vous dites. Ça s'est déjà vu, hein. On a déjà vu des gens qui se sont introduits dans des FOB en Afghanistan ou dans des camps. Voilà. Est-ce qu'ils sont là pour les bonnes raisons ou pour les mauvaises raisons? C'est ni plus ni moins que voilà, y a rien de différent avec ce qu'on observe dans la rue ou bien ce qu'on observe sur les théâtres. Rien de différent. Donc je m'appelle Dominique. Je suis l'administratrice principale d'une page de soutien qui s'appelle Info d'Emilie sur Facebook et sur Twitter. Et je suis mère d'un ancien soldat. D'accord. Comment les soldats réagissent-ils sur votre page? Quel genre de message avez-vous au sujet de Sentinelle? Aujourd'hui, c'est la fatigue. La fatigue, le manque de préparation quand ils savent qu'ils doivent repartir après en OPEX. C'est la façon dont les missions Sentinelle s'enchaînent. Moi, je connais des gens qui ont fait 3-4 missions dans l'année et qu'à un moment, ils ne peuvent plus. Ils sont fatigués. On a beaucoup de garçons quand même qui disent « Bon, je re-signe pas, parce que si c'est pour encore refaire le Sentinelle pendant 2 ans, c'est pas la peine. » Parce qu'à la base, c'est pas pour ça qu'ils s'engagent. Mmh. Voilà. Donc, si au moins l'état-major pouvait entendre ça, qu'à un moment, il faut qu'ils puissent faire autre chose et surtout se recentrer sur leur métier. À force de communiquer sur Sentinelle, sur la réserve, sur la garde nationale, etc., on oublie que le soldat, il est formaté pour faire la guerre. Voilà. Et du coup, je pense que les jeunes soldats, en tout cas ceux qui viennent de s'engager, ont oublié ça et qu'on ne communique pas là-dessus. Au moment de 12 bin, on a tous pris ça dans la figure. Et on s'est dit, oui, effectivement, ils peuvent tuer, ils peuvent être tués, ils peuvent être blessés. Et toute cette dimension-là, elle se perd pas parce que les anciens soldats, enfin, ou ceux qui sont engagés depuis longtemps, savent que c'est ça. Mais elle est un peu occultée. C'est-à-dire que c'est bien, on va défendre les Français, on va être sur les trottoirs, on va... Mais la réalité, c'est ça. La réalité du soldat, c'est aussi la mort en face qu'il donne ou qu'il reçoit, ou c'est d'être blessé. Et tout ça, c'est la guerre. Et je trouve qu'on est en train de créer une image du soldat qui, moi, dont je pense qu'elle n'est pas juste, en fait. Non, je pense qu'elle n'est pas juste. J'ai soif d'aventure pour ceux qui ont faim de liberté. Je suis le gardien de valeurs qui n'ont pas de prix. Toujours solidaire. Jamais solitaire. Je reste en éveil pour que vous dormiez en paix. Je veux être le nouveau souffle, juste après la tempête. Toujours debout, j'avance pour faire reculer la peur. Ici. Ailleurs. Et plus loin encore. J'irai toujours de l'avant, pour que les hommes ne reculent jamais. Ces soldats dans les rues de Paris et des grandes villes françaises qui ne combattent pas. L'armée de terre recrute 15 000 soldats. Ça ne nous prépare pas forcément au choc. S'engager.fr. Votre volonté, notre fierté. Non, ça prépare pas au choc parce que si survient un nouveau contexte opérationnel, ou dans les contextes d'ailleurs opérationnels actuels, où des militaires français sont amenés à nouveau à tuer un peu plus massivement qu'ils ne l'ont fait et à être tués un peu plus massivement qu'ils ne le sont. Je ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. La manière dont on les voit tous les jours dans nos rues ne nous prépare pas à cette hypothèse et ne prépare pas la société française à accepter que des garçons et des filles, maintenant, puissent mourir les armes à la main face à un ennemi qui est prêt aussi à les tuer. Ça me paraît assez évident. Et je trouve qu'on évacue un peu rapidement cet argument pour des raisons de communication court-termiste, immédiate et un peu politique quand même, faut le dire. En fait, dans nos médias et même dans la manière dont beaucoup de reporters de guerre ont travaillé pendant des années, on a des journalistes qui sont beaucoup partis filmer des destins combattants et guerriers dans des zones qui ne nous concernaient pas. C'est-à-dire qu'on conçoit très bien que dans certaines régions du monde, les garçons de 20 ans soient tous, les garçons et filles d'ailleurs pour certains pays de 20 ans, soient tous prêts à combattre. Mais pour nous, non. Voilà, parce qu'on a un peu oublié effectivement que ça pouvait nous concerner. C'est-à-dire, j'appelle pas à une mobilisation générale et à ce qu'on prenne tous les armes, hein, loin de là. Je suis pas prête du tout, c'est pas du tout ce que je souhaite. Mais simplement, juste un exercice de mémoire et d'histoire qui permet de se souvenir que voilà, ces réalités-là nous concernent aussi. Le dilemme aujourd'hui face auquel les forces armées sont confrontées, c'est une dégradation progressive de leur capacité opérationnelle via une réduction, un amoindrissement de l'entraînement. Or, une armée qui ne s'entraîne pas, c'est une armée dont les capacités se dégradent lentement mais sûrement. Et alors, les opérations extérieures qui sont au même moment se multiplient. Hein, il faut bien se rendre compte qu'on a l'opération Barkhane au Sahel qui a été accrue de 3000 à 3500 puis à 4000 hommes. On a l'opération Chamal au Moyen-Orient. On a l'emploi du porte-avions, etc. On a un contexte de suractivité opérationnelle des forces armées qui fait dire d'ailleurs au chef d'état-major des armées que les forces armées françaises sont au taquet. Elles sont au maximum de leur capacité. Plus de 30 000 militaires français en opération à un instant T. C'est considérable, c'est un ratio presque inédit depuis la fin de la guerre froide qui risque de provoquer, sinon un épuisement, à terme un burn-out des capacités françaises. On a un moral dans les forces armées, notamment dans les forces terrestres, qui est en berne du fait d'un sentiment de mauvais usage, d'une fonction qui n'est pas forcément, qui ne correspond pas forcément à l'éthos guerrier des militaires en France et qui pose des problèmes. Du coup, on a cette tension entre une volonté politique de revaloriser l'appareil militaire français et en même temps une difficulté de ce même appareil à finalement à relever le défi du recrutement, du maintien du moral et d'une quadrature du cercle qui est celle de la préparation opérationnelle et du suremploi en opération. Aujourd'hui, c'est ce que le général de Villiers dit, on est au maximum, on est à sans doute coureur qui est à bout de souffle. Il n'y a pas de période de respiration. Souvent, l'armée de terre, par exemple, pour ne citer qu'elle, a un rythme avait jusqu'à au lancement de Sentinelle avait un rythme plus ou moins ternaire entre opération, temps de régénération, temps de préparation, et puis on repartait en opération. Aujourd'hui, le temps de régénération et le temps de préparation est entrecoupé de Sentinelle, donc de périodes où ils ne sont plus à leur quartier, où ils ne rentrent plus le soir, où ils ne voient plus leur famille, leurs proches. Cet été, ou aux vacances de Noël, il y a eu des permissions annulées pour aller patrouiller dans les rues, donc un équilibre personnel qui est mis à mal et qui peut avoir des conséquences en termes de fatigue, en termes de motivation dans les armées. Sachant que ce relatif ras-le-bol peut conduire aussi à un effet d'éviction, de départ des armées, où un militaire n'est pas juste un pion, il est aussi doté d'un ensemble d'habitudes, d'expériences, et cette expérience peut avoir tendance aussi à s'en aller avec le départ de ces hommes, et donc le niveau moyen des armées peut avoir tendance à baisser si ceux qui ont plusieurs contrats, plusieurs années de service dans les armées, suite à ce suremploi, s'en vont. Donc qui crée là aussi un point de vigilance si le niveau technique de compétence des armées se dégrade suite à ce suremploi. La réponse des autorités est extrêmement difficile. Elle est difficile parce qu'elle oscille sans cesse entre le besoin et la demande légitime de sécurité de la part de la population et de mesures fortes allant dans ce sens, et le besoin d'enrayer finalement cette mécanique de la violence qui repose sur une provocation, sur un bluff de terroristes qui, pour l'heure, ne disposent pas des moyens de mener cette guerre. C'est comme dans la méthode du judo, ils espèrent que la force de l'adversaire leur permette d'acquérir eux-mêmes les forces de mener leur propre combat. Donc c'est un piège. C'est un piège que nous tendent les terroristes et le terrorisme djihadiste aujourd'hui en France, en nous mettant au défi de savoir cibler et doser exactement notre action et l'emploi de notre force. Aujourd'hui, le gouvernement et disons après, il sera temps pour les historiens de juger l'action du gouvernement de Manuel Valls et de la mandature de François Hollande. Mais il y a eu un effort, il me semble, d'essayer de calibrer au maximum cette action. Il y a pas des fois, on a eu des réponses qui ont pu être excessives, mais grosso modo, on n'a pas eu de débordement, on n'a pas sauté à pieds joints dans le piège qui nous était tendu. Et je pense, par exemple, aux nombreux appels à la non-violence qui se sont fait entendre au lendemain du meurtre du père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray, alors même qu'on aurait pu imaginer que certains tenants de la droite identitaire auraient au contraire appelé à la vengeance, appelé à embrasser finalement cette spirale de la violence. Ça n'a pas été fait. En ce temps de campagne électorale qui s'annonce, qui est propice à la radicalisation des propos, à la crispation, à l'exagération, à mon avis, il est plus important que jamais de garder à l'esprit ce piège qui nous a été tendu, qui demeure grand ouvert, de crispation et de d'acceptation de cet engrenage. On doit le refuser, et au détour de chacune de ces petites affaires, de ces petits spasmes médiatiques, qui peuvent être l'affaire du Burkini, qui peuvent être d'autres affaires, c'est au gouvernement, certes, mais aussi à la société française dans son ensemble, de maintenir cette décence, cette prudence vis-à-vis d'un mécanisme qui peut être mortifère et même fatal pour notre société. Il l'a été pour d'autres sociétés. C'était Opération Sentinelle, coordination Perrine Kervran, attaché d'émission Marie-Vonne Abolivier, mixage Julien Douminc, Archives, INA, France Télévisions, ministère de la Défense. Un documentaire pour LSD de Raphaël Kraft et Guillaume Baldi. Gradés, simples soldats, civils ou maréchaux en retraite, LSD à l'heure d'été, c'est fini pour cette semaine. Bibliographie, liens, replay et podcast pour le bateau, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter et sur Instagram. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et la semaine prochaine, eh bien, la semaine prochaine, nous irons renifler les roses. Mais dans un instant, c'est le journal de 18h et tout de suite... Le malheur des uns.